Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue à l'écoute de ce dernier dont voici les titres. Le ministère de l'Intérieur interdit aux administrateurs communaux de ne plus percevoir 1% du crédit pour ceux qui hypothèquent le certificat foncier. Le ministre trouve illégal cet acte. Le budget de l'exercice 2020-2022 a été bien exécuté. Les dépassements ont été dus à la contribution du Burundi aux organismes internationaux. Des députés et sénateurs sont préoccupés par la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura, une préoccupation à laquelle la primature tranquillisée des travaux préparatoires vont débuter avec l'année en cours, selon Gervais Ndirakobucha, premier ministre burundais. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, les administrateurs communaux n'ont plus le droit de percevoir 1% du crédit obtenu par tout demandeur ayant hypothéqué son certificat foncier dans une institution financière. Décision du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire lors d'une retraite de 2 jours en Gozi des hauts cadres de ce ministère. Le ministre Martin Iteretse indique que ce retrait n'est régi par aucune loi. Il demande aux administrateurs communaux de sceller désormais ses certificats fonciers gratuitement. Apollinaire Mouzagar. Dans cette retraite réunissant les hauts cadres et cadres de son ministère, dès le niveau communal jusqu'au ministre, le problème de perception par la commune d'1% du montant demandé à la banque a été évoqué. Au fait, pour avoir un crédit sur hypothèque du certificat foncier, tout demandeur est obligé d'avoir le sceau de l'administrateur communal et ce dernier exige 1% du montant. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique dit que ces administrateurs ont mal interprété la loi car ce retrait est inscrit nulle part. Ils ont confondu, selon lui, la loi qui autorise la perception d'1% du montant reçu aux usagers des titres de propriété et non aux certificats fonciers, d'où le ministre Martin Iteretse a interdit ce retrait immédiatement. Pour lui, exiger un tel pourcentage à un citoyen qui veut cultiver de la pomme de terre, maïs et autres pour se tirer de la pauvreté constitue un handicap au développement du petit peuple qui devrait être guidé normalement par ces administrateurs communaux. Décision saluée par des habitants d'Ongozi, contactés par la radio-télévision Isanganiro. D'Ongozi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mouzagara. Restons dans cette province du nord du pays où un incendie a éclaté cette nuit de vendredi à samedi vers 23h au marché de la zone Kiremba, commune Kiremba de la province Ngozi. Bilan, 3 boutiques contenant diverses marchandises ont été réduites en cendres. 3 autres boutiques ont pris le feu, mais les marchandises ont été évacuées grâce à l'intervention de la police et de la population. La police dit avoir déjà commencé des enquêtes afin de connaître l'origine de cet incendie et même la valeur des dégâts occasionnés par ce feu. Le budget de l'exercice 2020-2022 a été exécuté conformément aux prescrits de la loi durant cette période. Les réalisations en dépassement sont liées à la contribution du Burundi aux organismes internationaux et aux exonérations telles que déclarées lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le secrétaire général porte-parole du gouvernement Prosper Ntagwamiye a indiqué que ce projet de loi a été adopté avec certaines recommandations, comme celle d'intégrer dans le document des institutions qui n'ont pas été prises en compte alors qu'elles génèrent des dividendes à l'État. Il ressort de l'analyse que le budget a été exécuté tant en recettes qu'en dépenses, conformément aux prescrits de la loi numéro 1/20 du 25 juin 2021, portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2021-2022. Durant l'exercice 2021-2022, le montant des réalisations des exonérations est de 102 960 359 958 francs-bourg par rapport au budget prévu de 18 milliards de francs-bourg. Ces réalisations des exonérations en dépassement sont dues principalement au fait qu'il est difficile de faire les prévisions des avantages aux investisseurs donnés par l'Agence de développement du Burundi au début de l'exercice, avantages accordés aux représentations diplomatiques au début de l'année, marché de construction et de fourniture pour les services de l'État qui sont attribués au cours de l'exercice, commande des médicaments en cours de l'exercice difficile à évaluer et les actions humanitaires des ONG à faire au cours de l'année. Concernant les charges, les réalisations en dépassement sont liées à la contribution du Burundi aux organismes internationaux, aux exonérations et aux dépenses de fonds routiers, de fonds de lutte contre la fraude. Après échange et débat, le projet a été adopté avec les recommandations suivantes. Intégrer dans le document les institutions qui n'ont pas été prises en compte alors qu'elles procurent des dividendes à l'État. Corriger le document là où il est fait mention des sociétés qui génèrent des dividendes alors qu'elles sont en liquidation. À l'avenir, essayer de minimiser les décalages entre les prévisions et les réalisations pour certaines rubriques. Clôturer rapidement les dossiers des sociétés en liquidation. Relancer la fabrication de la verrerie au Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h02, poursuivons cette édition. Les enseignants des cours de langue à Kayanza devraient organiser des compétitions pour les élèves au sein de leurs établissements dans l'optique de redynamiser l'enseignement des langues. Appel lancé par Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation dans cette province du nord du pays. C'était ce vendredi à l'occasion de la finale de la compétition en poésie qui a regroupé les élèves qui se sont classés premiers dans les communes scolaires de les ressorts Patrick Sengiyumva. Sous le thème « Élèves en leader dynamique et compétent de demain », la phase finale de la compétition en poésie en quatre langues enseignées, dont le français, l'anglais, le kirundi et le kiswahili, a rencontré 72 compétiteurs en provenance de 9 communes scolaires de la province scolaire de Kayanza. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que cette compétition vise non seulement la redynamisation de l'enseignement des langues, mais aussi le développement de l'esprit compétitif chez des enseignants et des élèves. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza indique également que de telles compétitions aident aussi à améliorer le rendement scolaire. Ainsi, il demande aux enseignants en collaboration avec les directions des écoles l'organisation de compétitions pareilles au niveau des écoles. Certains des enseignants encadreurs de ces élèves compétiteurs contactés à ce sujet nous ont fait savoir que cette compétition en poésie en différentes langues a une grande importance à ce qui est de la redynamisation de l'enseignement des langues. Cependant, les mêmes enseignants ne manquent pas à signaler que l'un des défis majeurs pour l'enseignement des langues aujourd'hui est que des bibliothèques des livres ne sont pas à jour. Il plaide pour l'approvisionnement des bibliothèques en des livres qui concordent bien avec le système de l'enseignement en cours au Burundi. L'administration provinciale Kayanza apprécie positivement cette initiative de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza de promouvoir l'enseignement des langues à travers des compétitions. Sylvie Wakaniona, conseiller du gouverneur à Kayanza, en charge des affaires socioculturelles, demande aux chargés du secteur de l'éducation à Kayanza de penser aussi à la redynamisation des groupes culturels en voie de dispersion au sein des établissements scolaires aujourd'hui. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Restons dans cette province de Kayanza qui affiche une forte pression démographique. Où sur 1 km², il y a plus de 640 habitants. Justine Komezadou-Sabe, conseiller chargé de l'administration et des finances, expliquait que cette situation entraîne des conflits familiaux liés à la terre. Pour aider la population, l'administration les sensibilise et poursuivre les programmes de santé de reproduction. Suivez-la, elle est traduite en français par Raissa Liliane Inamahor. Nga muntara ya Kayanza kwirirana ry'abantu turabona ko abantu barondoka bagwirirana. La province de Kayanza enregistre une forte démographie. Nous avons une densité moyenne de 645 personnes par kilomètre carré dans toute la province. Les communes qui viennent en tête sont Kayanza et Gatara. Il s'observe un grand rythme de naissance. Harige usanga kenshi aho imiryango ifise abaguriye benshi mbere usanga ari aho ba usanga ari bantu nikora badafise nivyo bareresha. La conséquence, on se retrouve avec des démunis devant de conflits fonciers. Certains sont traités. Il y a aussi ce phénomène des enfants en situation de rue à cause de cette surpopulation. Suite à ces conflits fonciers, les magistrats ne font que traiter ces dossiers, mettant de côté d'autres litiges. Et du côté de l'administration, Nous faisons des sensibilisations dans tous les coins et recoins de la province sur la limitation des naissances, comme recommandé par le personnel médical. Je vous le dis en titre, des parlementaires sont préoccupés par la reconstruction du marché central de Bujumbura. Au cours de la présentation du rapport des réalisations semestrielles du gouvernement ce jeudi, ils ont demandé qu'elle soit une action prioritaire. Le Premier ministre Gervendira Kobutcha a promis que les travaux préparatoires vont commencer avant la fin de cette année, n'est-ce pas, Jean de Dieu Irakodze? Certains parlementaires veulent savoir si la reconstruction du marché central de Bujumbura figure dans le plan d'action annuel du gouvernement de l'exercice 2022-2023. À défaut, ils demandent d'en faire une priorité dans les actions suivantes. J'aimerais demander si la reconstruction du marché central de Bujumbura ne figurait pas dans ce programme. Et sinon, veuillez la prioriser dans le programme suivant, car il s'agit d'une infrastructure trop importante au niveau de l'économie nationale et au niveau de l'économie familiale. Je pense qu'elle est à prioriser pour qu'elle puisse redorer l'image de la capitale Bujumbura, car aucun pays ne pourrait se développer sans marché de référence. L'objectif du gouvernement est de commencer les activités de sa reconstruction avant la fin de cette année, a répondu le Premier ministre. Nous sommes en train de traiter cette question du marché central de Bujumbura. Nous pensons bien qu'avec l'objectif que nous sommes assignés, cette année ne peut pas terminer sans avoir commencé les travaux, car il s'agit d'une insulte pour le pays. Nous sommes en train de tenir différentes réunions avec tous les intervenants. Je pense qu'en peu de jours, vous verrez que les immondices aux alentours seront dégagés pour commencer les travaux préparatoires. Ces parlementaires rappellent que le Conseil des ministres a analysé cette question à maintes reprises, mais sans être suivi par des actions. Merci Jean de Dieu Irakodze. Et pour boucler cette édition, la jeunesse de la province de Lumonge est appelée à s'atteler au projet d'autodéveloppement et de développement du pays. Cet appel est d'Eli Nsavimana, président du conseil provincial de la jeunesse de Lumonge, ce samedi lors d'une marche organisée pour féliciter le président de la République du Burundi pour les postes récemment lui conviés au niveau de l'Union africaine. Pour lui, tout est en place, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir des crédits pour la réalisation de leurs projets, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Le prétexte de manque de crédits pour le démarrage des projets de développement évoqués souvent par les jeunes n'est plus d'actualité, étant donné que le président de la République du Burundi a déjà initié des programmes et banques pour soutenir les jeunes dans ce sens, selon Eli Nsavimana, président du conseil provincial de la jeunesse de Rumonge. Pour cela, il appelle les jeunes à s'atteler au travail afin que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. L'administration, quant à elle, est sollicitée aux côtés des jeunes afin que ces projets de développement initiés par ces mêmes jeunes puissent aboutir. Quant à Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, qui présidait cette marche ayant pris fin à la plage de pêche de Rumonge, les véritables félicitations des habitants de Rumonge au président de la République, Evariste Ndayishimiye, passeront par l'application à la lettre de tous les slogans du président de la République. Il a été l'occasion de présenter au public présent les natifs de Rumonge récemment nommés par le président de la République dans les différentes fonctions, en commençant par les administrateurs communaux des communes Bugarama, Buyengero et Rumonge, récemment élus à la tête de ces communes. Jean-Pierre Misago, depuis la plage de pêche de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute dans quelques instants. C'est la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Des éléphants blancs en prolifération, lance Burundi Echo. L'éditorialiste de ce journal évoque diverses infrastructures socio-économiques dont malheureusement l'aboutissement inquiète plus d'un. Son confrère cite à titre illustratif la construction du barrage hydroélectrique de Manda qui devrait produire 10 MW mais dont les travaux restent au point mort. L'autre exemple emblématique concerne le barrage hydro-agricole de Kadjeke, ayant une capacité d'irrigation d'une superficie de 3000 hectares et qui a déjà coûté plus de 12 milliards de francs burundais. Les travaux de reconstruction de ce barrage tardent à se concrétiser. La démolition des constructions coûterait environ 2 milliards de francs burundais pour Suburundi Echo, qui rappelle que le Conseil des ministres du 3 juillet 2019 statuant sur cette question, a proposé de refaire le projet et de construire un autre barrage à 19 milliards de francs burundais. Il a également demandé que ceux qui sont impliqués dans l'échec du premier projet soient traduits en justice et d'émettre des mandats d'arrêt internationaux pour ceux qui ne sont pas au pays, note cet hebdomadaire socio-économique. Papa, il a menti, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Reprenant ainsi la remarque de sa fille qui avait visionné la séquence où le président de l'Assemblée nationale, le 18 février dernier à Matongo, sa commune natale, expliquait que la valeur de la monnaie burundaise n'est pas inférieure à celle des autres monnaies de la sous-région. Son confrère partage une réaction qui a retenu son attention et qui, selon lui, avec une pointe d'humour noir, résume tout. J'ouvre les guillemets. Si j'étais BRB, Banque Centrale, le jour où il partira en mission à l'étranger, au lieu de lui donner 2 000 $, je lui donnerais 2 000 francs burundais. Après tout, notre monnaie a plus de valeur que le dollar. Fin de citation. Et son confrère de conclure, la sincérité des hommes et femmes politiques burundais, ou plutôt son absence, inspirera ou désorientera les générations futures. Revue de la presse. Le gouverneur de la province de Gitega, Venama Nirambona, a suspendu depuis le mardi 21 février 2023 la vente des téléphones portables et des ordinateurs d'occasion dans la ville de Gitega suite à la recrudescence des cas de vol de ces appareils observés dans son entité administrative, rapporte l'agence burundaise de presse. Des membres de la coopérative Kerebuka ont eu beau expliquer à l'autorité provinciale qu'ils collaborent étroitement avec les agents de sécurité en leur rendant les objets volés. Et c'était pour demander au gouverneur de Gitega de lever cette mesure, mais en vain. Cette mesure de suspension de vente de téléphones et ordinateurs de seconde main reste en vigueur, souligne ce quotidien. Les élèves internes rechignent de livrer leur téléphone portable et ça donne à la violence, écrit la voix de l'enseignant. Ce journal précise que le mardi 14 février 2023, au lycée technique Saint-Joseph de Guiheta, la direction, en collaboration avec l'encadrement, a fait une fouille perquisition à l'internat pour voir s'il n'y a pas des élèves à l'internat qui ont des téléphones. C'est vers la fin de cette fouille qu'un groupe d'élèves a commencé à lancer des pierres à l'endroit des éducateurs, des bâtiments et autres patrimoines de l'école pour perturber ce travail. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les élèves d'une école sous convention catholique se comportent comme des voyous, souligne cet hebdomadaire de l'éducation, qui note que le directeur de ce lycée, frère Jean Bizimana, promet de tout faire pour identifier les élèves qui ont pris le devant pour contester le programme de lutte contre l'usage des téléphones à l'école. On termine avec NetPress qui nous rapporte un site inobservé par au moins 20 personnes au ministère de la Justice le matin du 21 février dernier. À l'origine, une centaine de Burundais ont payé un montant de plus de 9 millions de francs burundais chacun pour se rendre en Serbie, explique ce journal. Après l'annulation de tels voyages par plusieurs intervenants, poursuit son quotidien en ligne, ces populations ont cherché à ce que la société de voyage dirigée par une certaine Diane Tabita Barandagie leur rembourse leur argent. L'OCITI n'avait pour objectif de demander pourquoi cette dame a été libérée de la prison centrale d'Omimba avant qu'elle ne rembourse l'argent. C'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.